Et à tous, à quoi on reconnaît une émission en direct au retard de ses animateurs. Même pas de mots d'excuses, désolé pour démarrer avec pas moins de 10 minutes en retard et on attaque avec un disque sur étiquette Northern Spy, le label new-yorkais dans l'asile le plus sûr PC Worship. Le disque s'intitule Buried Wish, un très bon disque de rock déglingué enregistré dans la cave d'un immeuble abandonné de Bushwick à New York par son leader Justin Fry. Avec une palanquée de gens, une dizaine de personnes ont participé à cet enregistrement et notamment dans leur rang pour les plus connus Greg Fox ou encore Cassie Carlson alias Jane la Honde de Geriatos. On attaque l'asile de cette semaine avec le titre Help, extrait de ce PC Worship, le disque Buried Wish. Find another reason and make another Vous êtes bien dans l'asile de plus sur antenne du 94 MHz. Voilà, je suis bien calé aux manettes de l'émission. Émission qui démarre avec un tantinet de retard. D'ailleurs, il y a tout autant de retard sur le blog de l'émission asile35.blogspot.fr où vous pouvez retrouver les playlists, les podcasts depuis à peu près 3 ans. Et puis, au fur et à mesure, on arrive à combler le retard depuis... Là, on arrive à peu près à la mi-février, fin février... sur le blog de l'asile et bientôt les émissions presque quasiment en temps réel sur ce même blog. On a démarré avec deux titres, voilà, il fallait bien deux titres de cet album de PC Worship à suivre, de cet excellent disque Buried Wish sorti sur Northern Spy, ce combo new-yorkais qu'on découvre avec cet album, mais pourtant c'est pas leur premier, ils en sont pas à leur coup d'essai, c'est à peu près leur 7e ou 8e production en date si on compte les cassettes et autres maxi. On peut d'ailleurs noter que le groupe se faisait appeler à leur début le PC Worship Mutant Soul Band et que son leader, le guitariste Justin Fry, s'est fait plutôt une habitude du rock un peu de traverse avec pas mal de guitares jouées de manière oblique et du chant tout aussi étonnant et puis des pièces assez calées scopique comme celle qui figure sur ce Buried Wish. Et on a continué avec un disque un poil plus sautillant. Il s'agissait de la nouvelle production du combo germanique Cradler, un vieux groupe qui a été créé à Düsseldorf en 1994, ce qui ne nous rajeunit pas, et qui vient de publier ce European Song, ou qui va le publier plutôt, ça sort d'ici 4-5 jours sur étiquette de Hambourg Bureau B. Cradler, qui était la formation dans laquelle officiait Stefan Schneider, qui s'en est allé pour d'autres horizons, soit des projets solo ou pas mal de rencontres, d'ailleurs des disques également aux éditions Bureau B. Et il y a à peu près tous les gens depuis l'origine, notamment Thomas Klein, qui est le leader officiel, qui joue dans d'autres projets aussi à côté, notamment sous le nom de soliste. Et l'argument, le pitch de ce disque European Song par Cradler, c'est en fait qu'ils devaient enregistrer un tout autre album qu'ils avaient commencé, pour lequel ils avaient commencé à avoir des sessions à Mexico City au début de l'année 2016, puis ils se seront fait rattraper par l'élection de Trump, puis à peu près tout ce qui peut se passer de vraiment affreux dans le monde. Et ils ont dit qu'ils avaient fait un disque autour du contexte international. Alors ça transparaît pas vraiment dans les pièces, c'est toujours plutôt une musique assez rythmée, un peu guirette, une sorte de mélange entre différentes ambiances synthétiques et aussi de la guitare et de la basse filtrée par le prisme de l'électronique pour Cradler. En tout cas, le disque est plutôt très très bon. Je propose de vous jeter dessus dans quelques jours aux éditions Bureau B, ce European Song. On va continuer avec un disque un poil plus dépressif peut-être, c'est un peu à l'image de cette formation qu'on connaît depuis une bonne quinzaine d'années et qu'on pratique depuis le début des années 2000. Il s'agit du fameux trio du Michigan, les Wolfives, qui sont de retour eux aussi avec un tout nouvel album sous le nom de Undertow, sorti par leur propre marque Lower Floor. Et c'est un peu ce qu'ils peuvent produire tous les trois actuellement. Le projet donc de John Olson et son camarade Nate Young, qui ont été rejoints par James Baljo, qui est peut-être la composante un poil plus rock, vu que les Wolfies pratiquaient plutôt une sorte de rock un peu viscéral, un peu post-industriel, notamment à l'époque où participait Aaron Dilloway, qui s'en est allé pour quantité d'autres choses et notamment des disques tous azimuts sur son propre label American Tapes. Et donc les Wolfies, ils ont une carrière un peu décousue, un petit peu biscornue également, avec pléthore de productions. Ils sont vraiment coutumiers de sortir des CDR à peu près 6 à 10 par an, ainsi que des cassettes et puis des disques un petit peu plus officiels. Ces dernières années, on les a notamment rencontrés aux éditions Sub Pop, qui était un peu le virage du groupe au milieu des années 2000, ainsi que Troubleman Unlimited ou autres de Stygl, également le label de Jack Wright, Third Man, et puis celui-ci donc qui est un peu la dernière mouture de la musique de Wolf Ives, une sorte de musique un petit peu post-free, je ne sais quoi. Je vous propose d'écouter le titre qui démarre ce nouvel album, ce nouvel opus de Wolf Ives, le morceau qui donne son titre à l'album, figurez-vous, Undertow. Left to forget. Et ben voilà, on a attaqué avec cette séquence donc qui nous démontrait qu'on peut faire de la noise avec des instruments à vent, avec tout d'abord le tout nouvel opus des Wolf Eyes qui s'intitule Undertow et le titre éponyme donc avec le saxophone assez hilarant de John Olson sur ce disque qu'on retrouve à peu près sur toutes les pièces. Il y a d'ailleurs un morceau presque reggae sur ce nouveau Wolf Eyes. Là, il s'agissait d'une sorte de blues un peu viscéral à leur sauce, très très bien senti. Et on a enchaîné avec la musique, enfin en tout cas, on a essayé d'enchaîner avec la musique des Scrambled Eggs, le fameux groupe de free rock du Liban que je ne vous avais jamais proposé. Le projet dans lequel officiait l'excellent Charbel Abel, qui jouait de la guitare, aussi parfois des claviers, et on l'a rencontré au sein de pas mal de groupes ces dernières années, notamment aux éditions Discrépantes, au sein de Malayin, également avec son disque solo qu'il avait sorti l'an dernier, qui était vraiment très très bon, et puis aussi dans le fameux Johnny Kafta, son fameux projet assez incroyable également aux éditions Discrépante. Et à l'époque donc de ce CD qui est une édition assez limitée dans une enveloppe imprimée, donc c'est bien dommage qu'on ne l'ait pas entendu jusqu'au bout, peut-être sur la version bloguesque de l'Asile le plus sûr vous l'entendrez en entier. Donc c'était une rencontre à l'époque en 2010 si je ne m'abuse, avec pas mal de camarades de jeu, notamment le guitariste électrique Sharif Chenaoui, également autre guitariste électrique et percussionniste Fadi Tabal, inconnu au bataillon, et puis Marzen Kerbach à la trompette, qui est un dessinateur aussi de bulles particulièrement fantastique et improvisateur de premier ordre. Et donc ce disque Scrambled Eggs and Friends était sorti à l'époque sur la propre marque des gens de Scrambled Eggs, Johnny Kafta Kids Menu. Et pourquoi je vous passais ça? Parce qu'on retrouve différents membres de ces projets libanais sur le tout nouvel opus de Oiseau Tempête qui s'intitule Al-An and Your Night is Your Shadow, sous-titré Fairy Tale Piece of Land to Make Our Dreams. Un double vinyle accompagné d'ailleurs d'un bonus pour la version vinyle ou CD qui sort à la mi-avril aux éditions Sub Rosa, et on y retrouve ces musiciens libanais qui ont fait les bonnes heures de l'Asile le plus sûr de ces derniers mois et années, notamment Sharif Chenaoui, le guitariste, également Charbel Haber et Stéphane Rive, qui n'est pas du tout libanais mais qui figurait aussi sur ce projet Scrambled Eggs and Friends. Et donc les Oiseaux Tempête qui sont de retour avec donc ce projet bien évidemment de monsieur Frédéric D. Oberland ainsi que Stéphane Pignol, comme toujours aux côtés de pas mal d'invités. Ça a été donc enregistré majoritairement à Beyrouth l'année dernière, et on y retrouve aux côtés des Oiseaux Tempête Monkoff, également JW Sock qui vient pousser la chansonnette au détour d'un morceau, également Taber Abu Ghazale, et puis pas mal de choses encore, pas mal de field recordings sur cet excellent disque de Oiseaux Tempête qu'on devrait pouvoir entendre. On écoute le titre Feu aux frontières, extrait de ce Alan des Oiseaux Tempête. Ça va pas se résoudre maintenant, c'est vrai qu'il y a un cessez-le-feu en Syrie, c'est pas pour maintenant, ça va éclater encore une fois. Non, je sais pas, ça c'est le round 3, mais il y aura un round 4, round 5, round 6, encore 5, 6, 10 ans, il y a des choses à détruire. C'est pas la paix pour la paix, c'est la paix parce qu'on n'arrive plus à faire la guerre. Thank you. I am digitized, memorized, organized. I am visualized. I am digitized. I do not die. I am digitized. Analyzed. I am digitized. Supervised. Digitized. Personalized. I don't die. Digitized. I am digitized. Transparized. Compromised. I am digitized. I am digital. I am electronic. I am supersonic. I love light years. I am digitized. I won't die. I am digitized. Memorized. Analyzed. I am digitized. Memorized. Virtualized. Séquence très longue dans l'Asie de Pulsion sur antenne 94 MHz qui a démarré avec deux titres enchaînés du tout nouvel opus de Oiseau Tempête avec ce nouvel album qui sort à la mi-avril pour en guise d'œuf de Pâques, voilà, sous le titre Al-An aux éditions Sub Rosa, à peu près comme les précédents, double LP et CD avec un titre en moins, il y a un titre en bonus pour l'édition double vinyle, et donc la participation de ces excellents musiciens libanais. Ça a été enregistré du côté de Beyrouth, en partie ce nouvel opus de Oiseau Tempête, avec donc bien évidemment Frédéric Desoberland aux côtés des membres de Johnny Kafta Anti-Végétarian Orchestra, le guitariste Charbel Habert du Scramble Eggs et quantité d'autres choses, et également Sharif Chenaoui, qu'on a connu notamment aux côtés d'Alan Bishop et d'autres projets tels que Carcana, puis pas mal d'autres gens. Il y a eu d'autres sessions enregistrées en Angleterre et également à Paris, lieu de résidence des Oiseaux Tempête, qui sont en tournée d'ailleurs pour l'occasion dans quelques semaines. Ça va tourner dans pas mal de patelins, alors ce ne sera pas la grande caravane du Oiseau Tempête, certainement plutôt le projet A3, celui qu'on avait pu voir au dernier bar en trans du côté du Mondo Bizarro à Rennes. Le son était vraiment fantastique et la musique de ces trois gaillards également, avec le nouveau batteur et puis deux guitares et puis des machines assez étranges jouées par l'excellent Frédéric Desoberland, qu'on a pu aussi rencontrer récemment avec un tout nouvel album de son projet Foudre aux éditions Guizé. Voilà, vous savez tout pour les Oiseaux Tempêtes. Et puis on a enchaîné avec un projet, une sorte de disque concept, alors on va appeler ça comme ça, mais c'est pas étonnant vu les trois membres qui constituent ce projet. Un projet sans doute un peu éphémère dans lequel on retrouve une légende, une vraie légende sur pied. Il s'agit de Emile Schultz, le fameux graphiste, designer du Kraftwerk Canal Historique depuis l'époque de Ralph et Florian et autres Trans Europe Express, également pour Radioactivity et Trans et Autobahn. Il avait fait des visuels totalement incroyables dans les pochettes vinyles de la fameuse centrale électrique de la Ruhr, et puis tout ça à peu près jusqu'au Computer World. Je pense que c'était aussi à lui qu'on doit les incroyables visuels qui ponctuaient les shows de Kraftwerk de la fin des années 70, début des années 80, tout le cockpit de leur scène à l'époque où ils jouaient sur leur fameux calculateur de poche. Tout ça, c'était d'inspiration Emile Schultz, qui s'est éloigné du Kraftwerk pour sa carrière solo, principalement en tant que plasticien. Il est de formation classique, il a étudié à l'Académie des Arts de Düsseldorf, notamment aux côtés de Joseph Beuys. Comme pas mal de ses contemporains allemands, il avait été très très inspiré par le fameux Joseph Beuys, et puis également pas mal d'autres gens tels que Gerhard Richter, Edierter Roth. Puis il a fait une longue carrière solo. Je pense qu'il est quasiment en retraite. Il a dû enseigner les arts. Et puis il a retrouvé aussi Kraftwerk pour les shows de ces dernières années, notamment les fameux visuels 3D pour le concert qu'ils avaient donné au Museum of Modern Art en 2012, au printemps 2012. Et puis il joue aussi de temps en temps avec Wolfgang Flour et un peu toute la dissidence du Kraftwerk. Je crois qu'il a même fait des visuels pour Madonna, donc quelqu'un au parcours totalement atypique et incroyable. Et là, on le retrouvait aux côtés de deux plasticiens sonores américains, en les personnes de Stephen Vitiello, qu'on connaît pour pas mal de disques, notamment aux éditions New Albion, sur Chronica également, ou encore Room 40, aux côtés de Steve Roden. Et le troisième, Lascar, qui est un musicien d'ailleurs, plasticien sonore également, qu'on entend de temps à autre aux côtés de Stéphane Vitiello, Andrew Dutch, qui lui a joué notamment pas mal aux côtés de Pauline Oliveros, puis dans quantité de projets, je crois qu'on l'avait entendu aussi aux côtés de Charlemagne Palestine, donc à peu près tout ce qui peut bouger dans le domaine des musiques contemporaines expérimentales, matinées d'art plastique et d'art sonore, et tous les trois ils ont fait paraître il y a peu un disque assez atypique. Vous en avez entendu deux pièces, le premier titre I Am Digitized, qui était une signature de monsieur Emil Schultz lui-même, et puis l'autre titre qui était assez incroyable, Like Old Days. Il y a pas mal de titres de musique synthétique assez mignonnette sur ce test Drift aux éditions Magic If Recordings. Voilà, on va enchaîner avec tout autre chose et un projet totalement inconnu et pour cause. Je pense que c'est la première production de ce Wells, qui doit être un musicien viennois vu qu'il est sur un label autrichien qu'on a rencontré à plusieurs reprises depuis leur création en 2015. Il s'agit de Ventil Records, qui nous avait beaucoup fait triper à l'occasion de la sortie du premier disque de Ventil, qui faisait pas mal penser un peu à tout ce qu'on a pu entendre dans l'art sonore entre le post-rock et la musique électronique autrichienne. Et puis le projet du guitariste Koutine, voilà, qui a aussi sorti des choses, Peter Koutine, avec d'autres camarades, notamment Christina Kubic ou encore Monsieur Kindlinger, des gens totalement peu connus. Et puis Ventil Records continue son petit bonhomme de chemin. Ils sont à peu près à 5-6 productions à ce jour. L'an dernier, il y avait eu un disque de Manuel Knapp, hein, que j'ai découvert assez récemment. Et donc ce disque de Wells sous le titre Primeur, qui fait pas mal penser à des choses qu'on a pu entendre du côté, peut-être de l'écurie Raster Noton. En tout cas, c'est plutôt assez sympathique. Ça s'écoute vraiment très très bien, ce disque de Wells Primeur, et on va en écouter, je vais vous en laisser la primeur, voilà, avec le titre Liminaire, le morceau Palace. Thank you. Thank you. De la vraie musique pour triper dans l'asile de plusieurs sur l'antenne du 94 MHz. On a démarré avec une sorte de projet à la Radian. Il s'agissait du duo autrichien Wells, alias Michael Lanner, Emmanuel Riegler, et leur premier album sur étiquette Ventil Records sous le titre Primer. Une sorte de mélange entre techno et certaines ambiances un peu électroniques à la Raster Noton. Et on a enchaîné avec le fameux ensemble économique de Brian Pyle, qui est de retour en ce printemps avec un nouvel opus sous le titre In Silhouette, qui est un très beau titre pour la musique qu'il pratique depuis pas mal d'années. On avait beaucoup aimé l'un de ses tout premiers albums qui était sorti aux éditions Not Not Fun au début 2010. On vous avait aussi fait une spéciale, si je ne m'abuse, sur la musique de Brian Pyle au sein des Starving Weirdos, qui est un projet qu'on aimait beaucoup en compagnie, où on le retrouvait aux côtés de son frangin et de Merrick McKinley. Voilà pour Brian Pyle, qui est abonné au label allemand Denovali depuis quelques années. Ça fait à peu près 2, 3, 4 albums qu'il sort sa musique sur le label Denovali, et celui-ci est vraiment très très réussi, je dois dire. Donc le disque In Silhouette et le titre Gonna Get Right With God After This Next Cigarette. Tout un programme. Voilà, on va enchaîner avec un disque de jazz free qui sera sans doute d'ailleurs la conclusion de l'émission de cette semaine. Et la musique d'Arthur Doyle, l'incroyable saxophoniste de l'Alabama qui nous a quitté en 2015 ou 2013, et un peu avant de décéder, il avait fait un dernier concert au fameux club The Stone de New York le 11 juillet 2012 aux côtés d'un nouveau groupe, les musiciens avec lesquels il jouait à cette époque, The New Quiet Screamers, un combo de Brooklyn, lui qui avait commencé dans les années 70, notamment pour des disques aux côtés de Noah Howard, le fameux The Black Ark, également un disque de Milford Graves, Baby, et puis pas mal d'autres choses, notamment aux côtés de Charles Tyler et ses propres enregistrements. Il a fait aussi partie de la grande histoire du rock no wave de la fin des années 70, début des années 80, aux côtés du guitariste furieux new-yorkais Rudolph Gray et ses Blue Humans. L'incroyable Arthur de Doyle qui est quelqu'un qui était un peu frappadingue. Il avait un petit pet au casque, il avait tendance à chanter de manière assez déclinguée sur ses propres enregistrements. Et donc ce double opus est aux éditions Amish Records, un concert in extenso avec pas mal de reprises à l'image du titre qui va conclure l'émission de cette semaine, le morceau Stormy Weather. Juste pour vous rappeler que l'émission est entièrement podcastable et également écoutable en stream à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Bonne fin de soirée et puis bonne semaine à vous. Et on se retrouve d'ailleurs demain soir également sur l'antenne du 94 MHz. Je serai au sein de l'émission Folklore Futur. Je vais remplacer Pierrot. Donc si vous voulez retrouver les sélections de l'asile sur l'antenne du 94 avant la semaine prochaine, branchez-vous demain à 20h sur l'excellent programme Folklore Futur à partir de 20h. Voilà, très très belle nuit, on écoute ce Stormy Weather par Arthur Doyle. À bientôt. I'm gonna be Thank you. All these shots here are beautiful, build my boy. All these shots here are beautiful, build